clair de la lune, la baronne, où es-tu? Donnez-moi ton amour, yo mwana ya baron. Chanson d'amour, pense à moi la baronne. La route à l'Occident, chérie Nanga. Zotomike, chérie Nanga. Yé mannequin, yaba modèle. Zote bongana mulato, bogo. Oh, oh, ma belle, noire peine. Les yeux en amande et à la peau veloutée. À ta bas distance, Rosalie Sewanga. Elle en connaît aussi Karanaya. Tinde langa bansango naya. Naye ba mama. Kasi kobo sana terre. Ba promesse tombe sana qui a mariage. Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, profita. Voilà la petite de maman et ça vous la paye. La baronne chérie, la baronne chérie, la baronne chérie, la baronne chérie. Shabby.